se vide, tout tourne autour d'eux. Tout s'envole, tout tourne autour d'eux. On s'émeut, on se tait, je sais, personne ne peut en rire. On s'aveugle, on admet, tu sais, moi-même, je n'ose le dire. Tout sombre, tout tourne autour d'eux. Tout s'arrête, tout tourne autour d'eux. Tu le voyais pourtant mourir, cette terre où ça tournait autour d'eux. Tu t'es tu comme un soupir, tu t'es tu autant partir. Tout s'oublie, tout tourne autour d'eux. On s'habitue, tourne autour d'eux. N'en parle plus, tes lèvres frôlent. Chaque verre noie ta parole qui s'enfuit et tourne autour d'eux. C'est une ombre qui se retourne. Tout se vide, autant partir. Tout finit, autant en rire. Tout se vit, autant partir. Tout finit. Tout est dit, tout tourne autour d'eux. Tout admis, tout tourne autour d'eux. Frappe l'acier, passe les peines. Caresse l'aube, brise les chaînes. C'est tout vu, tout tourne autour d'eux. On ne sait plus, ça tourne autour d'eux. Tout se vide, autant partir. Tout finit, autant en rire. Tout se vide, autant partir, tout fini. Dis plus, tout tourne autour d'eux. Ne ris plus, tout tourne autour d'eux. Les regards tracent la route. Et demain, tout se vide, autant partir. Tout finit, autant rire. Et demain, coûte que coûte, tout se vide, autour, tout finit. C'est tout.